Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Cette expression. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux, il est en vie. Cette semaine, les crimes d'Henry Kissinger. Du Chili à Chypre, du Bangladesh au Vietnam, quatre crises majeures pour la diplomatie américaine. Vous en foutez de tout. En Amérique, vous prenez une aspirine comme ça. Parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit vietnamien, je prends une aspirine comme ça parce que je ne pèse que 50 kilos. Destinataire Santiago. 562 mitraillettes et munitions envoyées par messager. Départ Washington le 19 octobre à 7h. Arrivée prévue Santiago, soirée du 20 octobre. Petit rappel donc sous forme de résumé. L'ancien juif allemand Henry Kissinger, débarqué pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, va franchir les échelons sociaux et intellectuels à la vitesse grand V. Jeune prodige, Henry Kissinger, après des études à Harvard où il va passer en un temps éclair du statut d'élève à celui de professeur, va devenir l'homme clé de Richard Nixon, devenant sans doute au passage, sans aucun doute, le diplomate le plus célèbre de la décennie 70. Mais toute lumière trouve son pendant dans l'ombre et aujourd'hui ce sont les ombres que l'on scrute, les ombres d'Henry Kissinger. Et il en est ainsi avec ce film, L'honneur perdu d'Henry Kissinger, dont vous venez d'entendre un extrait. Film qui a été réalisé par Wilfred Huysmans, que nous avons interviewé avec Daniel Zacher. La première question que nous avons posée à Wilfred Huysmans concerne les raisons qui l'ont porté sur ce sujet. Était-ce à la suite des publications du livre de Christopher Hitchens, dont nous avons déjà parlé cette semaine, Les crimes de M. Kissinger? Non, j'ai toujours eu ce sujet en tête. Dès 1981, j'ai été au Chili pour quelques mois et j'ai vu personnellement les conséquences d'une dictature militaire brutale, comme celle de Pinochet. J'ai compris que le gouvernement américain était derrière et qu'il soutenait Pinochet. J'ai ressenti une honte véritable de voir que la législation internationale fonctionnait à deux vitesses. D'un côté, ils condamnent Saddam Hussein, à juste titre. Mais de leur côté, jamais un seul mot sur leur sinistre rôle au Chili, par exemple. Dès que le livre de Christopher Hitchens, Les crimes de M. Kissinger, est sorti sur le marché, nous avons tout de suite saisi l'opportunité de faire notre propre documentaire. Je précise que ce n'est pas une copie du livre de Hitchens. Christopher Hitchens, dans son livre « Les crimes de M. Kissinger », livre dont nous avons abondamment parlé cette semaine, développe sa thèse sur plusieurs crises. Chili, Chypre, Bangladesh, Vietnam et également Timor-Oriental. Wilfred Huysmans, quant à lui, a concentré son film sur deux sujets, le Chili et le Vietnam. Nous lui avons demandé pourquoi. It's not Hitchens for the first time. Christopher Hitchens n'est pas le premier à avoir dit qu'un homme d'État comme Henry Kissinger pouvait être considéré comme pleinement responsable, sur un plan légal, pour des actions telles que le bombardement au Vietnam ou l'assassinat du général Schneider au Chili, est jugé pour ses actions exactement comme l'avait été Göring à Nuremberg. General Taylor, who already said in 71, un militaire américain comme le général Taylor, dès 1971, affirmait qu'en prenant des standards juridiques identiques pour tout le monde, Nixon et Kissinger devaient immanquablement être mis en procès, comme à Nuremberg, et vraisemblablement condamnés eux aussi. Les États-Unis et l'URSS ont oublié que ces lois internationales, ce sont eux-mêmes qui les ont établies après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi m'être concentré sur le Chili et le Vietnam ? À l'époque où j'ai fait le documentaire, les éléments étaient plus clairs, aussi bien concernant le Vietnam que le Chili. Wilfried Wiessmann, réalisateur de L'honneur perdu d'Henry Kissinger, extrait. Les archives de la CIA prouvent que le président Nixon et Henry Kissinger avaient prévu d'organiser un coup d'État pour empêcher Allende d'accéder au pouvoir. Kissinger était le coordinateur de cette opération secrète dont l'ambassadeur américain au Chili n'avait même pas été informé. Edward Corey, ambassadeur des États-Unis au Chili. En cas d'opération, il y aurait eu des répercussions aux États-Unis et pour le président lui-même qui auraient été bien pires qu'après la baie des cochons. Et un télégramme m'ordonnait de rentrer immédiatement au pays parce qu'il pensait que j'avais découvert leur complot. Donc vous saviez qu'ils préparaient un coup ? Oui, je l'ai senti en tant qu'ancien journaliste. Et l'ancien journaliste, devenu ambassadeur, est convoqué par Richard Nixon, locataire à l'époque de la Maison-Blanche à Washington. Il s'est mis à accuser Allende. Il n'arrêtait pas de taper dans sa main, comme ceci, en disant qu'il allait écraser Allende économiquement et lui couper les vivres. Enfin, pas littéralement, c'est une image. Et qu'a-t-il dit sur Allende ? Il en parlait en disant « ce bâtard, cet enfoiré », qu'il allait l'écraser. Il n'a absolument rien dit d'important. Rien d'important, il n'empêche, cette entrevue indique l'état d'esprit que le président Nixon, et avec lui et toute son administration, entretient avec le locataire du palais de la Moneda, Salvador Allende. Une Amérique déjà grande puissance, confrontée à un bras de fer permanent avec l'autre grande puissance de l'époque, l'URSS, un bras de fer où tous les coups sont permis. Aujourd'hui, les ouvertures d'archives tant du côté russe qu'américain nous permettent de mieux apprécier la situation de l'époque, encore qu'il reste un peu partout de nombreuses zones d'ombre. Ainsi, l'enquête sur Henry Kissinger est-elle fondée sur la récente déclassification de documents secrets ? Cette déclassification a eu lieu du temps de Bill Clinton, désireux à l'évidence de se désolidariser d'un vieux général devenu bien encombrant, M. Pinochet. Tiens, on va vous en mettre une petite larme, pas trop parce qu'après c'est franchement indigeste. Général, prétendez-vous toujours que personne n'a disparu ? Mademoiselle, il s'agissait d'une guerre secrète préparée par le KGB. Plusieurs corps ont été retrouvés dans une seule tombe. C'est une très grande économie. Une déclassification de documents secrets, signe extérieur d'une démocratie en bonne santé. Pour nous répondre, nous retrouvons Wilfried Wiessmann, réalisateur de L'honneur perdu d'Henry Kissinger. Concernant la démocratie, les USA ont une histoire remarquable que nous n'avons pas en Europe. Après avoir envoyé des commissions d'enquête dans les années 70, quand ils ont découvert que la CIA avait été impliquée dans des crimes dans le monde entier, des assassinats d'hommes d'État, ils ont décidé de tout arrêter et de passer au crible la CIA à l'aide d'une commission parlementaire. Une seconde décision était de rendre le travail des services secrets américains plus transparent pour le public. Et ainsi, la liberté d'information était désormais établie. Every, une loi autorisant toute personne, et pas seulement aux États-Unis, également dans le monde entier, une loi autorisant toute personne, journaliste aussi bien qu'enquêteur, à demander des documents à la CIA. Bien sûr, ils ne vont pas vous donner n'importe quel document. Ils ne vont pas vous donner les documents de la politique internationale américaine en cours. Mais concernant les faits historiques, vous avez la garantie d'obtenir une copie des documents que vous voulez. C'est une loi aux États-Unis. C'est la liberté d'information et vous y avez droit. 1972. Au beau milieu de tout ce pataquès, une des figures incontournables de la protestation, Neil Young, chante « Are you ready for the country ? Êtes-vous prêt pour le pays ?» On a le droit d'y déceler une certaine ironie. Cette semaine consacrée à Henry Kissinger se conclut avec l'entretien que nous avons eu avec Wilfried Wiesmann, réalisateur de L'honneur perdu d'Henry Kissinger, document que vous verrez dimanche soir sur TSR2 dans le cadre d'Histoire vivante. Un documentaire sur Henry Kissinger, mais sans Henry Kissinger, puisque celui-ci a apparemment refusé de venir s'expliquer. Yes, I wrote him a large letter explaining him the whole. Je lui ai écrit une longue lettre, lui expliquant que je voulais qu'il me donne sa version. Mais il a refusé. Je lui ai écrit une autre lettre pour tenter de le convaincre, pour lui dire que cela ne lui porterait pas préjudice s'il parlait lui-même. Il a rejeté toutes les décisions publiques, car il craignait vraiment que quelque chose au niveau légal ne se passe. Et quelque chose s'était déjà passé après mon documentaire, à cause de la dénonciation du meurtre du général Schneider au Chili, qui avait été tué par ordre du gouvernement. New York trial. Le fils et toute la famille du général sont allés à New York pour accuser Kissinger d'avoir provoqué ce meurtre. C'était pour lui un réel danger d'être accusé d'assassinat à New York. On peut imaginer en effet que ça a dû être du plus mauvais effet. Ainsi donc, Henry Kissinger, après les honneurs, doit-il connaître ces temps-ci les affres et les angoisses du coupable non repenti ? Avec Wilfried Wiessmann, nous avons naturellement évoqué la pertinence de son sujet avec l'actualité. La question est actuelle, parce qu'à La Haye, la Cour internationale pour crimes de guerre sera bientôt constituée. 50 pays ont déjà signé et ratifié les statuts. Seuls les États-Unis ne l'ont pas fait. En tant que superpuissance dans le monde, ils ne veulent pas prendre le risque que leurs propres politiciens puissent être accusés pour des crimes dans un autre pays que les États-Unis. Pour preuve de cette remarquable auto-impunité, écoutons à présent l'insolence tranquille d'Alexander Haig, conseiller militaire d'Henry Kissinger, un meurtrier très vieux, très retraité, tout galonné. J'aurais mené cette guerre avec beaucoup plus de vigueur. Je l'aurais terminée au cours des 6 premiers mois de la présidence de Nixon. Et cela aurait été très facile. Non pas en se rendant ni en renversant le président Thieu, comme on en parlait surtout aux négociations de paix de Paris. Et non pas en suspendant les bombardements en échange des promesses malhonnêtes d'un ennemi qui n'avait aucune intention de les respecter, mais voulait uniquement obtenir un soutien actif de l'Union soviétique. C'est donc ça le problème. Mais comment auriez-vous mis fin à la guerre ? On aurait pu terminer la guerre avec les bombardements de Noël. Et vous auriez l'image, vous verriez qu'en plus, il sourit. It's an historical fact. C'est un fait historique que systématiquement, les grandes puissances font ce qu'elles veulent. Ce sont elles-mêmes qui définissent ce qui est légal ou pas. C'est ce que je cherche à expliquer avec le terme double standard ou double vitesse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi internationale est suffisamment forte pour maîtriser les faibles. Mais elle n'est pas encore efficace pour avoir une quelconque action sur les puissants. Cela doit être changé par l'établissement d'une Cour internationale pour crimes de guerre. Ceci est en bonne voie, à La Haye, dans les années à venir. Et alors, nous n'aurons plus une Cour spécifique, comme pour Nuremberg, ou la Serbie. Nous aurons une cour internationale pour tous les crimes de guerre. Henry Kissinger a publié en juin 2001 un livre intitulé « L'Amérique a-t-elle besoin d'une politique étrangère ?» Un politicien de renommée mondiale continue à garder le silence sur les chapitres les plus noirs de sa biographie. Comment cet ancien professeur libéral et brillant de Harvard en est-il venu à soutenir l'une des dictatures les plus sanguinaires du XXe siècle ? Après tout, Henry Kissinger lui-même est un survivant d'une dictature. Né en 1923 de parents juifs dans la ville de Fürth en Bavière, Heinz Alfred Kissinger avait à peine 15 ans en 1938 quand sa famille a fui le régime fasciste d'Hitler pour émigrer aux États-Unis. Interview donnée par Henry Kissinger en 1992. C'était une époque difficile, très désagréable. Mais cela m'a permis de découvrir la valeur de la liberté et m'a beaucoup servi en Amérique. Et quand mes collègues d'extrême gauche de Harvard critiquaient le fascisme aux États-Unis, je ne pouvais que sourire intérieurement, car moi j'avais vécu sous le fascisme. Au fond, l'administration Nixon tout entière, président inclus, semble bel et bien avoir été partie prenante de ces scandales diplomatiques. Pourquoi dès lors orienter les attaques uniquement sur la personne d'Henry Kissinger ? Nous retrouvons Wilfried Wiessmann. First of all, Kissinger was not a tool of Nixon. En premier lieu, Kissinger n'était pas un outil de Nixon. Il avait une part très active dans les prises de décision des États-Unis. Parfois, il était plus important que Nixon lui-même. Quand il arrivait à Nixon d'être complètement sous, il ne lui posait même plus de questions concernant la guerre au Vietnam, par exemple. Il est arrivé que Kissinger lui-même prenne les décisions. Où et quand bombarder ? Combien de civils tuer ? Maintenant, vous trouvez assez de gens prêts à témoigner. J'en ai rencontré quelques-uns. Mais cela n'a pas une valeur légale, mais plutôt politique. Et personnellement, je pense que Kissinger est l'un des acteurs les plus responsables de ces crimes de guerre. J'aimerais bien sûr confronter Henry Kissinger avec tous les soupçons qui pèsent sur lui. Et pour le film, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas voulu répondre aux questions. En octobre 1968, les perspectives de paix au Vietnam firent fortement remonter le vice-président Herbert Humphrey dans les sondages, créant la panique dans les rangs de son opposant républicain Richard Nixon. Nixon rencontra alors en secret Anna Chenault, une femme d'affaires chinoise qui habitait dans un bâtiment appelé, devinez, ça ne s'invente pas, Watergate. Il lui demanda de persuader le président sud-vietnamien Thieu de saboter le plan de paix. Nous écoutons Anna Chenault, conseillère de Richard Nixon sur l'Asie. Quand j'ai parlé avec Nixon, il m'a promis qu'il ferait tout pour mettre un terme à la guerre du Vietnam s'il remportait les présidentielles. C'est pour ça que j'ai décidé de l'aider. Mais après les élections, il a voulu terminer la guerre en obtenant la victoire, ce qui était impossible d'après moi. Kissinger ne partageait pas mon avis, car c'est lui qui avait convaincu Nixon qu'il était possible de remporter la victoire et mettre ainsi fin à la guerre. Et j'ai vu alors les États-Unis s'enfoncer toujours plus profondément dans ce conflit du Vietnam. Ainsi, M. Henry s'est-il mis le doigt dedans concernant le Vietnam. Lui a cru à la victoire des États-Unis, l'histoire et l'entêtement des Vietcong en ont décidé autrement. Ce qui paraît étonnant, c'est qu'Henry Kissinger ait réussi à préserver sa réputation de fin diplomate par la suite, malgré ses erreurs. Wilfried Wiessmann nous donne son sentiment là-dessus. Parce qu'il était le gars le plus intelligent, le plus dur de cette administration. Il avait un excellent allié en la personne du général Alexander Haig. Il y a eu beaucoup de manœuvres cachées dans ce gouvernement, de contradictions. Il a fait en sorte d'apparaître comme un homme libéral, intelligent, brillant dans l'opinion publique. En revanche, il avait des méthodes dignes de la mafia. Il demandait par exemple au FBI d'espionner tel ou tel journaliste, jusqu'à ses propres amis, dans sa propre équipe. Il avait beaucoup de facettes différentes, de facettes cachées, de politiques cachées. Tout cela le rendait très puissant. Il faut bien se rappeler que dans les manuels d'histoire, son image est celle d'un artisan de la paix. Ne l'oubliez pas. En réalité, si vous allez droit aux faits, ce n'était pas un artisan de la paix. Côté États-Unis, il n'y avait pas d'autre choix que la capitulation. Malgré cela, Kissinger apparaît comme un ange de la paix. Dans la réalité, il va prolonger la guerre pour des raisons de politique intérieure aux États-Unis. Il n'y aura pas de procès et il ne sera pas accusé pour crimes de guerre au Vietnam, au Cambodge ou au Timor oriental. Car il n'y a pas de loi existant dans le monde permettant un tel procès. Cette loi ne pourra désormais être établie qu'avec le Tribunal international de La Haye. Cela n'existe que pour certains cas particuliers, comme le Rwanda ou la Serbie, mais pas pour la politique internationale. Donc il n'a rien à craindre de la guerre. Tout ce qui peut l'inquiéter, ce sont des accusations individuelles, comme le meurtre du général Schneider. Comme je l'ai dit, la famille du général va aller à New York pour accuser Kissinger d'avoir provoqué l'assassinat de leur parent, le général Schneider, en 1970. Wilfried Wiessmann est à peu près sûr qu'Henry Kissinger n'a rien à craindre d'un procès à venir. Il est vrai que le droit international commence tout juste à émerger. Henry Kissinger, how I'm missing you and wishing you were here. Henry Kissinger, how I'm missing you. You're so chubby and so mean, with your funny clothes and your squishy nose. You're like a German pet. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Écoutez la première et il est 14h.